Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à l'émission Le Terminus en ce vendredi 19 juillet. Le Terminus, c'est quoi? Ben, c'est une émission qui fit pas vraiment entre le potluck et la main femme, mais bon, on est là pour vous faire jouer pendant une heure de rock indépendant, de grunge, alternatif, shoegaze et tout ce qui gravite autour. Comme par exemple, il va y avoir ce soir du Jackson Scott, Snowy Owls, Ravenettes, Vaselines, également du Sonic Youth et Slint dans le cadre d'une espèce de bloc de la fin des années 80. Et comme d'habitude, la liste des chansons qui tournent pendant l'heure sera disponible sur le CISM893.ca à la fin donc de l'émission. Et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un petit rhume ce soir, donc ça se pourrait qu'on fasse des micros un peu plus courts que d'habitude. On va commencer quand même avec deux nouveautés. C'est d'entendre du Speedy Ortiz qui lançait la semaine dernière leur premier album qui s'appelle Major Arcana. Ce sera la chanson Cash Cab, mais tout de suite. Ça, c'est, on commence ça avec The Spills, des gens de l'Angleterre qui ont lancé en mai un EP de 4 chansons qui est pas mal bon, qui est également gratuit sur thespills.bandcamp.com. EP qui s'appelle Spooky Roller Disco, duquel voici la chanson Freakin' Hey. you pay me? Speedy Ortiz avec Cash Cab, une nouveauté. Et c'était précédé de The Spills avec Freaking A. Parlant de nouveautés, il y a aussi hier Yuck, groupe qu'on assez apprécié quand même, groupe tendance grunge qui on attendait leur deuxième album. Et là, on a entendu la première extrait de ce deuxième album-là qui s'en vient pour l'automne prochain. Et pendant la création de l'album, eh bien, il y a eu le départ du guitariste, chanteur et principal compositeur du groupe. Donc ça donne un changement quand même dans le son du groupe. Je vous invite à aller voir ça, la chanson Rebirth de Yuck, qui est disponible là, assez facilement sur Internet. On risque justement de l'entendre probablement à l'émission de la semaine prochaine. On met de côté les nouveautés maintenant pour une espèce de bloc là, thématique avec des chansons des groupes issus de la fin des années 80, début 90, avec du Slint, du Sonic Youth, mais pour commencer, de Vaseline, qui est un duo au départ écossais. Ben, enfin, au départ, c'est un duo, mais maintenant, ils sont, au fil du temps, ils ont ajouté des membres. Ils sont originaires donc de l'Écosse et ils ont été actifs surtout dans la deuxième moitié des années 80. Ensuite, ils sont séparés. Ils sont revenus autour de 2005-2006. Ils ont sorti leur deuxième album en 2010 qui s'appelle Enter, non, qui s'appelle comment? Je ne l'ai pas noté. Enfin, ils ont leurs vieilles chansons qui ont été rééditées, elles, en 2009 sur un album qui s'appelle Enter the Vaselines. Nous, on va écouter justement donc une chanson qui tournait à l'époque dans les années 80 et qui était rééditée dernièrement. Chanson qui s'appelle Son of Gun des Vaselines à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus sur les ondes de CSM jusqu'à 22h. On vient d'entendre Slint avec Nosferatu de leur album Spiderland. Et ça concluait un espèce de bloc thématique de la fin des années 80, même si j'ai triché un petit peu, parce que l'album de Slint, lui, est sorti en 91, mais le groupe a été pas mal actif dans les années précédentes. Et vous avez également entendu dans les dernières minutes du Sonic Youth et de Vaseline. Ça commençait le segment. Et pour Sonic Youth, et bien, c'est vrai, donc ils n'existent plus. Sonic Youth, ils se sont séparés récemment. Et Thurston Moore, lui, a pas trop perdu de temps. Il y a un nouveau projet qui s'appelle Chelsea Light Moving. Il sera au cabaret du Myland le 16 septembre prochain. Et si vous n'avez pas encore écouté Chelsea Light Moving, ça sonne pas mal comme du Sonic Youth si vous voulez en entendre sur scène. On va maintenant retourner avec des trucs plus récents. Avec, pour commencer, Jackson Scott, un gars de Caroline du Nord, qui avait lancé son premier album sur Internet comme ça, gratuitement, ça circulait. Et là, ça va sortir officiellement le 23 juillet sur Fat Possum Records. Et l'album, lui, s'appelle Melbourne. On va écouter tout de suite la chanson Together Forever de M. Jackson Scott. la chanson Kerfuffle des Américains de Snowy Owls, une chanson qu'ils ont sortie dans le cadre du Record Store Day plutôt cette année, mais il me semble que c'est autour du mois d'avril. Et juste avant ça, Jackson Scott avec Together Forever. Et on va continuer avec d'autres choses, cette fois-ci en français. Il y a quelques semaines, en fait, je crois c'est qu'il y a deux semaines, je vous faisais jouer du Billy and the Werewolves. Et là, ben ils ont également sur le même album que dont je vous faisais jouer une chanson en français. Donc on va écouter ça. Ça s'appelle Tu veux jouer. Et ça sera suivi de La question avec Compliqué Vidant. Et ça, c'est sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. C'était la formation ISBN des gens d'Halifax avec Winter Hurt. Et juste avant, il y avait également La Question et Belly and the Werewolves. On va maintenant continuer. Il nous reste une quinzaine de minutes à l'émission de ce soir. Avec maintenant des trucs un peu plus peut-être légers. Vous allez entendre du Street Chant, un groupe de Nouvelle-Zélande qui lançait cette semaine un EP qui s'appelle Isthmus of 1000. Et j'ai choisi pour vous la chanson titre, donc je ne vais pas reprononcer parce que c'est pas facile. Mais pour commencer, ça sera Boys Who Rape des Ravenettes. Et c'est ça, bonne écoute. Thanks. tried and tried to climb your head, your eyes, envied your cigarettes to be inside your chest. Chanson qui remonte à 1998, c'était Caféine avec Dans ta chambre. Ça se retrouvait en fait ici à la station, là, sur une compilation, L'oreille gauche, compilation de CISM, qui avait, sur laquelle il y avait des groupes comme Planet Smashers, Groovy Advar, Guerilla, Anonymous, Les Chiens, Bionic, plein de bons groupes locaux. Restez à l'écoute dans quelques instants. Zeca Mendes va être là avec l'émission La MyFi. Il est là ce soir en direct. Et sinon, pour retrouver la liste des chansons qui tournaient pendant l'heure et pour écouter l'émission, ça sera sur le CISM893.ca dans quelques instants. Sinon, les archives sur leterminus.ca. On va se quitter avec la musique d'une formation shoegaze russe, oui. La formation Aerofall et leur chanson Ups and Downs. Alors, c'est ça, c'est pas mal ça qui est ça. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour l'émission Le Terminus. Ciao.